Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à l'émission Connaître ensemble avec les étudiantes au bac en pratique sage-femme. Aujourd'hui, on parle d'un sujet chaud de l'heure, l'activité physique durant la grossesse. Alors, aujourd'hui, on reçoit deux invités. On reçoit Mélanie Chevary, qui est étudiante au bac en pratique sage-femme et qui est aussi professeure de yoga prénatal. Et on reçoit Patrick Bellan, qui est étudiant en deuxième année en kinésiologie, aussi à l'UQTR, qui va nous parler un peu de l'activité physique pendant la grossesse et qu'en est-il des contre-indications et des choses qui sont plus préférables. Alors, on va commencer en fait par un petit extrait d'un article que j'avais trouvé qui a donné un peu l'idée de faire cette émission sur l'activité physique lors de la grossesse. Alors, c'est un article qui a été publié dans la revue Espace, une revue gratuite pour les amants de plein air, si on peut dire, qui s'intitule « 9 mois d'attente active ». Alors, c'est qui a été écrit par Karine Bellerive. En fait, dans cet article, ce qui est particulier, c'est qu'on voit une image qui frappe l'imaginaire. Une femme qui est enceinte d'environ 6 mois, qui fait de la planche à voile, avec un grand sourire d'ailleurs. Alors, un petit extrait. Maman d'une fillette de 20 mois, Hélène Cavalli, est demeurée très active tout le long de sa grossesse. Guide de kayak aux îles de la Madeleine pendant tout l'été. Elle était enceinte de 2 mois lorsqu'elle a participé à la Grande Traversée des îles en septembre 2005. Alors ça, c'est plusieurs... on parle d'un immense triathlon. Alors en fait, ça nous amène à nous pencher sur est-ce sécuritaire? Quelles sont les recommandations pour ces femmes enceintes? Alors on va commencer avec Patrick Bellan, à qui on pourrait poser la question d'abord... est-ce sécuritaire de faire de l'activité physique durant la grossesse? Bien oui, c'est vraiment sécuritaire de faire de l'activité physique durant la grossesse. Il faut juste faire en sorte de ne pas exagérer, si on veut. Il y a certaines contre-indications pour certains sports un peu plus violents ou certaines situations où ça peut être plus dangereux. Mais sinon, il n'y a aucune recherche qui prouve que l'activité physique régulière et relativement normale peut provoquer du travail prématuré, un avortement spontané ou des déformations ou malformations. Pour celles qui voudraient savoir quelles sont les choses, par contre, d'abord à éviter, ensuite on parlera aussi de toutes les possibilités que les femmes enceintes ont. Alors, quelle mise en garde on pourrait donner à ces femmes enceintes? Ben, au niveau des contre-indications, la première, c'est surtout d'éviter les charges lourdes, d'éviter toutes les activités qui ont des risques de chute, comme le ski alpin, par exemple, c'est une activité où il y a des risques de chute ou de collision assez grandes. Toutes les activités qui sont à haute vitesse ou qui impliquent des sauts, c'est ce qui est le plus souvent contre-indiqué. Sinon, c'est les activités à la chaleur qui sont aussi relativement dangereuses. Ces activités en haut de 38 degrés Celsius vont provoquer de l'hyperthermie chez la mère et aussi chez l'enfant. Puis ça, à très haute température, faire de l'activité physique, ça peut provoquer des malformations éventuellement chez le bébé, surtout dans le premier trimestre, les premiers 3 mois de la grossesse. Sinon... On peut un petit commentaire aussi de ce qu'on peut savoir aussi dans notre profession. Par contre, une petite mise en garde, on dit que malgré les femmes enceintes sont très préoccupées beaucoup par la prise de poids, donc c'est l'activité physique est favorable, surtout pour le bien-être général, et non pas utilisée dans une idée de perdre le poids, car la prise de poids est nécessaire, et aussi c'est conseillé beaucoup de suivre nos habitudes qu'on avait avant. C'est une occasion de s'améliorer, mais aussi d'y aller avec les capacités qu'on avait avant de débuter la grossesse. Oui, mais c'est exact. Nous, ce qu'on recommande souvent en activité physique, c'est de s'entraîner avant. C'est sûr que quelquefois, les grossesses sont peu prévues, mais c'est surtout de ne pas augmenter la quantité d'activité physique ou l'effort qu'on faisait avant la grossesse. Donc, de faire un maintien durant les 9 mois de la grossesse, mais pas de vouloir augmenter sa condition physique. Ça peut être plus problématique pour les personnes qui ne sont pas beaucoup en forme ou pour les athlètes. Parce que les athlètes ont souvent une bonne idée d'une incitation facile à faire de la performance. Donc, il faut les restreindre un petit peu. Mais d'ailleurs, sur cette question, ne crois-tu pas que des femmes qui font peu d'activité physique pourraient profiter, aussi, Mélanie, si tu veux nous en parler, pourraient profiter de ce moment pour adopter de légères, au moins un peu légèrement, de meilleures habitudes de vie? Ah, c'est sûr que c'est une belle occasion, surtout que ça va les aider à passer au travers de la grossesse puis à justement perdre du poids après la grossesse, mais ça va aussi donner un meilleur exemple à l'enfant qui s'en vient. Est-ce que tu as des suggestions pour ces mères, futures mères, suggestions de sports qui sont particulièrement intéressants? Ben, d'après moi, les sports les plus intéressants et les plus simples, c'est des sports qu'on va appeler cardiovasculaires, donc des sports avec peu d'impact, exemple du ski de fond ou de la natation, ça c'est vraiment très bien parce que c'est cardiovasculaire, puis en plus ça implique un support du poids à cause de l'eau. Sinon, tout ce qui est justement cardiovasculaire va être bien, contrairement à tout ce qui est beaucoup plus musculaire, plus forçant. Je parlais tantôt du ski alpin, aussi tout ce qui est course à pied, c'est peut-être un petit peu à éviter à cause des chocs fréquents. Sinon, ce qui est à éviter aussi, c'est les activités de trop longue durée, parce que ça peut provoquer plus facilement chez les femmes enceintes de l'hypoglycémie, et ça peut nuire vraiment beaucoup au fœtus. Puis on peut se rappeler que l'important, c'est de choisir un sport qui nous plaît, dans le fond. Peut-être que la natation ne convient pas à toutes, mais effectivement, on peut rappeler qu'il y a plusieurs formes de natation aussi. Il y a de l'aquaforme pour maman qui s'est répandue et gagne en popularité. Mm-hmm. Alors, y avait-tu d'autres choses que comme conseil que tu pourrais donner à des femmes enceintes? Oui, mais en fait, il y a deux ou trois petites choses qui restent que je peux dire encore, là. Au niveau des activités physiques avec en atmosphère élevée ou sous la pression, donc soit la plongée sous-marine ou l'altitude. Donc, c'est déconseillé d'aller en dessous de 3 mètres de profondeur d'eau ou en haut de 2700 mètres environ d'altitude parce que ça fait une pression qui est plus élevée au niveau de l'enfant. Sinon, il y a un débit sanguin qui peut être réduit au niveau du placenta lorsque la mère fait de l'activité physique, mais si la mère s'entraîne et fait de l'activité physique avant la grossesse ou est déjà en forme, c'est beaucoup diminué. Et chez l'être humain, parce qu'ils ont fait des tests aussi chez les animaux, chez l'être humain, l'effet est beaucoup moindre que chez certains animaux. Il y a certains animaux qui vont être plus tranquilles durant la grossesse. Sinon, c'est surtout au niveau du travail, parce qu'un travail stressant, autant psychologiquement que physiquement, peut être dangereux pour la grossesse. Il faut éviter les charges lourdes, les longues heures de travail debout, le bruit intense et les vibrations fréquentes. OK, au niveau de leur environnement de travail, puis d'aller vers un retrait préventif ou dans le fond... Oui, dépendamment. Dépendamment de... ou réorganiser son travail. Ouais. Il y a certaines aussi petites situations où ça va être beaucoup contre-indiqué. Des personnes qui sont en sous-poids ou en surpoids assez extrême, donc on va déconseiller de faire de l'activité physique ou on va conseiller de se mettre en forme avant la grossesse. Les grossesses multiples, donc avoir des jumeaux, des triplets et plus, on va déconseiller aussi. Si la personne a déjà des contraintes majeures à l'activité physique avant, donc des problèmes de diabète, de problèmes cardiaques ou d'autres, on va déconseiller. S'il y a une ou de demander peut-être plus de renseignements à son médecin, oui, à sa sage-femme, selon. Effectivement, ça va être plus structuré un petit peu comme exercice. On va pouvoir conseiller plus précisément. Sinon, il y a deux autres petites contraintes. S'il y a des historiques de fausses couches dans les précédentes grossesses, on va déconseiller de faire de l'activité physique. Même s'il n'y a aucune preuve que c'est ça qui le provoque, on ne va quand même pas prendre de chance. Et s'il y a des saignements lors du premier trimestre, on va aussi déconseiller l'activité physique. Ou principalement l'augmentation de l'activité physique. Ouais. Mais en général, on déconseille l'augmentation de l'activité physique, mais plus un maintien. Puis en finissant, une dernière petite chose qui peut être intéressante, surtout pour celles qui veulent perdre du poids, ce qui est pas mal le cas de beaucoup de mamans qui sont enceintes, c'est que c'est une recherche qu'un de mes profs avait fait à l'Université du Québec à Montréal, qui, généralement, les hormones féminines vont favoriser la libération des gras, des tissus, pour être disponibles pour l'activité physique. Et durant la période de l'allaitement, après l'accouchement, ces hormones-là vont être libérées en plus grande quantité, donc vont favoriser beaucoup, beaucoup la perte de poids. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment le temps de faire de l'activité cardiovasculaire on veut perdre du poids. Ça a des effets vraiment intéressants. Pendant la période de l'allaitement? Ouais. Est-ce que tu sais si ça a lieu, même s'il n'y a pas d'allaitement? S'il n'y a pas d'allaitement, les hormones vont arrêter d'être produites, malheureusement. Donc, Je sais pas qu'est-ce que vous en dites, vous, pour l'allaitement, mais c'est une... Bien, c'est fortement conseillé, mais c'est un argument de plus d'aider à la perte ouais, de vraiment, poids. Oui, vraiment. Ça aide vraiment beaucoup. Les résultats sont assez significatifs chez ceux qui allaitent et comparé à ceux qui allaitent pas. Bien, merci de cette information cocasse et pertinente. Une dernière petite question. En kinésiologie, parlez-vous de la... Est-ce des recherches personnelles ou parlez-vous de la femme enceinte dans votre programme? Bon, on a des cours d'activité physique avec des populations symptomatiques et on parle des femmes enceintes durant ces cours-là, au travers des autres problèmes comme le diabète, les problèmes cardiaques ou les problèmes d'ostéoporose. Donc, on n'a pas on de cours spécifiques. On pourrait dire cas particulier. Oui, ouais, c'est ça. C'est un des cas particuliers qu'on voit au cours de notre bac, mais on n'a pas de cours spécialement sur la grossesse. Alors, merci. C'était Patrick Bellan, étudiant en kinésiologie à l'UQTR. Ça fait plaisir. Vous êtes de retour à l'émission Connaître ensemble, l'émission pour tout savoir sur la périnatalité. Alors, vous êtes au micro avec... Je suis au micro, en fait, avec une autre étudiante au bac en pratique sage-femme, Mélanie Chevary. Bonjour, Mélanie. Bonjour, Mélina. Alors, Mélanie Chevary, elle vient nous parler aujourd'hui de yoga prénatal, plus spécifiquement. Alors, elle a un très beau bagage en termes de yoga. Elle va enseigner d'ailleurs à l'UQTR un cours de yoga. Et présentement, elle forme aussi des professeurs en yoga prénatal. Pour savoir un peu d'où elle vient, cette Mélanie qu'on aime dans notre programme. Alors, à 15 ans, elle a commencé à faire du yoga. Donc, c'est une longue histoire avec ce sport qu'elle aime. À 19 ans, elle est partie en Asie, depuis ce temps bouddhiste. Elle a passé 7 ans à New York où elle a fait 2 formations pour devenir professeure. Elle est cofondatrice d'une école de yoga qui existe toujours à New York. Depuis 3 ans, elle assiste des formations pendant 3 ans, à son retour à Montréal, elle a assisté des professeurs dans la formation de professeurs. Et puis, elle est devenue professeure elle-même, des professeurs à des professeurs, donc la formation de professeurs, pour ce qui est du yoga en général, yoga prénatal. Alors, elle va nous parler du yoga prénatal, du phénomène du yoga en général et aussi quels sont les bienfaits du yoga prénatal et quels sont les conseils qu'on peut donner en cette matière aux femmes enceintes qui veulent suivre ces cours. Alors, pour d'abord parler du yoga, Mélanie, ce sport ou plutôt cette forme, comment la qualifierais-tu, peut-être de méditation aussi, quelle est la source de cette popularité? Ben en fait, moi je peux parler par rapport à la population à Montréal puisque c'est là où j'habite principalement. Donc on voit de plus en plus sur les rues gambader les belles mamans enceintes. Alors conséquemment dans nos classes de yoga prénatal, ben on les voit augmenter. On voit de plus en plus de mamans venir participer aux classes de yoga prénatal. Oui, effectivement. Alors ça gagne vraiment en popularité. Alors, le yoga prénatal gagne en popularité, tout comme le yoga aussi. Effectivement. Est très populaire présentement. Et comme tu disais, dans le fond, on verrait un petit boom de natalité. Donc, ça a aussi un impact dans vos classes de yoga. Tout à fait. Alors, décris-nous qu'est-ce que le yoga prénatal, un peu plus. Le yoga prénatal, en fait, dans les classes, on utilise ou on pratique à peu près les mêmes postures que dans une classe de yoga régulière, sauf que c'est des postures qui seront à ce moment-là adaptées à la condition de la femme enceinte, où on va utiliser un peu plus de matériel de support, peut-être des ballons, peut-être des blocs, etc., pour faciliter la pratique des mamans. Si dans d'autres classes de yoga, on encourage plus ou moins les participants à sauter d'une posture à l'autre dans un vinyasa, exemple, qui serait un peu plus actif, à ce moment-là, dans une classe de yoga prénatal, on va ralentir un peu le débit et on va plutôt contre-indiquer la séquence yogique avec des sauts. Donc les principales contre-indications En yoga normal, quelles sont-elles? Du yoga normal au yoga prénatal. En fait, en yoga prénatal, on va décourager les mamans à faire des torsions très prononcées. De toute façon, les mamans ont beaucoup, beaucoup de sagesse. Et même si on suggérait une pratique avec des torsions très prononcées, elles se sentiraient pas bien et ne le ferait pas. Mais bon, quand même... C'est important que le professeur le sache. Tout à fait, tout à fait. Aussi, on va pas indiquer on va utiliser des types de respiration qui vont être appropriés à la femme enceinte. Alors, il y aura plus de retenue de respiration, exemple, dans certaines pratiques où on va demander... aux personnes de retenir l'inspiration, retenir l'expiration. Une fois enceinte, ça sera pas le cas. C'est pas le cas du tout, exactement. On va inviter les mamans à avoir une respiration plus fluide. Et quoi d'autre? Et certaines postures où on va plus aller en ouverture pour faciliter le déplacement avec le ventre qui devient de plus en plus prédominant. Et... quoi d'autre comme plusieurs choses aussi où on à partir d'une certaine peut-être de la 24e semaine où on va plus mettre les mamans sur le dos mais plutôt en incliné pour ne pas comprimer la veine cave et ainsi pouvoir avoir toujours une circulation sanguine continue et oxygénée, etc. Donc, bref, il y a plusieurs contre-indications et aussi plusieurs... Adaptation, oui, puis aussi des postures qui sont plutôt à encourager puisqu'elles vont faciliter le travail et l'accouchement par la suite. Alors c'est pour ça, à cause de tous ces détails qu'on peut pas nécessairement élaborer présentement, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir lorsqu'on décide de prendre une classe de yoga prénatal, de la prendre avec quelqu'un qui est formé. Oui, on parlait justement. Peut-on suivre, s'il n'y a pas de cours de yoga prénatal, un cours de yoga dans notre région, au centre le plus proche, gym le plus proche? Oui, c'est ça, la réalité des régions font que c'est pas toutes les régions qui vont offrir du yoga prénatal. À ce moment-là, après ma barre, lorsqu'on va dans une classe de yoga, il faut dire au prof qu'on est enceinte. Puisque parfois, c'est pas du tout évident. Et puis... ça va avoir des impacts, même si ce n'est pas apparent. Bien sûr. Surtout les premiers mois, en fait, le corps est très, très, très, très sage. Et puis, on entend souvent les mamans dire dans leur premier trimestre qu'elles sont plus fatiguées, etc., etc. Et c'est pas pour rien. Donc, il faut vraiment... écouter ces signes-là et puis y aller vraiment en douceur dans les premiers mois. Donc, même si on pense que, puisque le ventre n'est pas apparent, il n'y a aucune contradiction, c'est plutôt le contraire. Je pense que c'est plutôt dans les premiers mois où tout se joue et où l'équilibre est plus fragile. Puisqu'il y a toute l'histoire de l'implantation, etc., où on veut vraiment que ça se passe bien, etc. Donc on le dit à notre professeur qu'on est enceinte et on lui demande si elle a ou il a les qualifications pour nous assurer exactement notre sécurité et celle de notre enfant. Et je crois que la majorité des gens ont une éthique... assez bonne et surtout dans des conditions comme ça où c'est très, très précieux. Je pense que tout de suite, les gens vont leur dire si la professeure ou le professeur se sent à l'aise ou non à l'aise avec cette situation. Alors, merci beaucoup pour ces explications. Un peu plus sur le yoga prénatal. Quels sont les principaux bénéfices de cette pratique? Le yoga, en général, nous invite à prendre contact avec soi et alors, c'est toujours quelque chose de super intéressant pour les mamans de prendre un moment privilégié dans leur journée, dans leur semaine pour se centrer sur elle-même. Et ce qui va aussi avoir des belles répercussions lors du travail de la grossesse, où elles vont pouvoir un peu plus aller en introspection et puis pouvoir gérer leur travail de l'intérieur. Aussi, le yoga prénatal va faciliter, va encourager les muscles à se tonifier, mais en même temps aussi une souplesse à travers le corps. Donc, encore ici, qui va avoir des bienfaits pour la maman en général, mais également durant l'accouchement. Aussi, on va aller à travers différents types de respiration qui va l'aider à se centrer, à revenir sur elle-même, à oxygéner elle-même et son enfant, etc., de créer cette symbiose-là au sein d'elle-même. Mais, et aussi quelque chose que je privilégie et que je trouve très, très, très intéressant dans les classes de yoga prénatal, bien sûr la pratique, bien sûr la respiration, la méditation, etc., mais c'est aussi un moment où on se retrouve soudainement avec 5, 10, 20 autres mamans enceintes qui vivent à peu près ou qui ont vécu à peu près la même situation que nous. On peut partager sur notre vécu, sur nos peurs, nos joies, etc. Et ça forme une communauté. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très intéressant, d'autant plus qu'il y a souvent des cours post-nato. Donc, alors on ça, c'est en yoga? Tout à fait, oui, c'est ça, avec les bébés souvent, etc. Donc, c'est vraiment, vraiment sympathique. Et ça crée cette communauté-là, puisque nous, on sait que notre génération, on est souvent enfant unique, ou on a une sœur ou un frère. Donc, on n'a pas nécessairement un environnement. La chance de voir d'autres personnes qui sont dans la même situation. Exactement. Donc, on facilite la rencontre dans les cours prénatales. Et je pense que c'est vraiment, vraiment le fun aussi à cause de ça. Oui. Aussi, on avait une petite question. En fait, on a parlé des bienfaits. S'il y a des femmes qui... On sait que non seulement le yoga est en gain de popularité, mais les cassettes pour faire de l'activité physique à la maison le sont aussi. En fait, que penses-tu des cassettes qui proposent de faire du yoga à la maison? Oui. Ben, en fait... Comme on vient de le dire, peut-être que là, on voit qu'effectivement, l'espèce de côté social, cette dynamique de groupe-là n'est pas présente. Oui, c'est ça. On manque le côté social. Mais parfois, la réalité du milieu fait en sorte qu'il n'y en a pas de cours prénataux près de chez soi. Donc, ça peut être une option intéressante, bien sûr. Et ça, c'est en tout temps, avant de commencer des cours, soit des cours en groupe ou des cours comme ça à la maison, on doit aller voir sa sage-femme ou le professionnel de la santé, puis s'assurer que tout va bien. Une fois que ça est fait, qu'est-ce que la beauté aussi d'être avec un professeur, c'est que la personne peut avoir des indications beaucoup plus personnalisées par rapport à son corps. Peut-être que la maman a un air sciatique, peut-être que sa disposition physiologique, je sais pas, elle a une colonne vertébrale avec une scoliose ou etc., etc. Donc, la cassette qui est standard va pas rejoindre cette clientèle. C'est ça, ça va pas aller spécifiquement à ce genre de adresser ces choses-là en particulier. Alors, ça fait que la pratique est beaucoup moins personnalisée et on peut moins bien se corriger. Parfois, on est moins familière avec le yoga et on va être désaligné, mais sans jamais s'en rendre compte puisqu'il n'y a pas le regard extérieur qui va nous indiquer de mettre notre genou un peu plus vers la gauche ou directement par-dessus le genou ou peu importe qu'est-ce qu'on aurait dû avoir comme indication. Donc il y a ça qui est à vérifier. Donc moi j'encourage vraiment les gens avant d'aller en pratique comme ça personnelle, de tenter de trouver un professeur juste pour avoir des petites lignes conductrices et par rapport à notre disposition, etc., s'il y a des choses qui sont contre-indiquées ou plutôt quelque chose qui serait à notre avantage de pratiquer. Et Il y a beaucoup de ces cassettes sur le marché. Nous en avons, est-ce que tu aurais un conseil sur le choix de ces cassettes? Est-ce que toi, tu en connais des DVD ou un site où est-ce qu'on pourrait consulter ça? Oui, non, mais je connais pas des DVD qui s'adressent particulièrement aux femmes enceintes en français. OK. Mais il y a beaucoup de... Il y en a quelques-uns. Je pense que de faire une petite recherche maintenant, l'outil fantastique qui est le web, de faire une recherche par rapport à la compagnie qui vient de publier ce DVD, aussi les antécédents du professeur, etc. Je pense que c'est toujours approprié et même... Dans un cours, les antécédents du professeur... sont peut-être sont aussi utiles, j'imagine, en pratique, dans un cours de groupe, et etc. Bien sûr, oui. Et c'est pas... je pense que c'est tout à fait approprié de demander au professeur de quelle école elle est formée, c'est quoi ses formations, ses spécialités, etc., etc. Je pense que c'est très, très approprié de demander. Merci. Une autre petite question complémentaire, quand on parlait des bienfaits, dans tes cours spécifiquement, quelle est la part de la méditation dans tes cours? Comment est-ce que ça se vit au travers de l'activité physique du yoga? Ben, en fait, pour moi, le yoga, c'est un peu une méditation active. Alors, bien que ce soit actif, etc., on a toujours en tête... on le fait dans un processus introspectif plutôt. Alors, ce qui va aussi faciliter le développement de la pratique de la maman, mais aussi développer son habilité d'être à l'écoute d'elle-même. Alors, donc, même dans les postures qui sont plus actives, il y a cet aspect introspectif. Mais sinon, toujours au début de la classe, s'il y a un moment où on va se centrer, où on va ressentir notre corps, où on va ressentir où on est en ce moment présent, avec quel genre d'attitude j'arrive en classe, etc. Parce que parfois, avec notre vie complètement active et garrochée, on prend même pas conscience de comment je vais aujourd'hui. On se demande même pas cette question-là. Donc, on commence avec ce genre de questions-là. Et à la toute fin, on va terminer avec une longue pause de relaxation, respiration et méditation à la fin du cours. Est-ce que tu as des témoignages de femmes qui ont vécu cette expérience avec toi de yoga prénatal et que ça leur a particulièrement apporté sur des aspects de leur vie? Oui. Ben, je pense que là, c'est sûr que je suis un peu mal placée pour te dire ça, Mélina, puisque c'est un peu les commentaires que j'ai de mes étudiantes sont souvent des très bons commentaires puisqu'ils viennent me voir directement. Puis c'est sûr que elles ont envie de me dire ce qu'elles partagent, ce qu'elles ont vécu de positif, là. Mais je pense qu'en général, même les mamans que je rencontre dans la rue qui m'ont jamais eu comme professeur, mais qui ont eu des cours de yoga prénataux, vont toujours me dire à quel point que ça a été tellement... tellement spécial dans leur vie prénatale, hein, dans leur vie de femme enceinte, d'avoir fait ces cours-là. Pour plusieurs raisons, mais je pense que qu'est-ce qui revient le plus, c'est vraiment de s'être permis cet espace-là où tout qu'est-ce qui était important pour cette heure-là ou cette heure et demie-là, c'était elle et son enfant. De vraiment revenir à la... À prendre conscience de toute la magie du moment de la grossesse. Pour reprendre un peu les paroles d'Isabelle Brabant dans son livre Une naissance heureuse, qu'il faut considérer la grossesse aussi comme un travail en soi, un travail presque à temps plein, et des moments où, en fait, assumer le fait qu'on n'a pas nécessairement le même rythme de vie. Et se consacrer aussi ces moments pour prendre contact avec son corps, effectivement, qui seront des choses qui, rendues à l'accouchement, seront des outils qui sont peut-être parfois difficiles à développer, qui demandent beaucoup de concentration et de focaliser sur son corps, mais qui permettent d'être en symbiose avec son enfant, effectivement. C'est ça, peut-être moins considérer cette période-là comme une période de deuil à cause de toutes les choses qu'on est restreinte de ne pas faire, mais plutôt comme une période exceptionnelle de transformation. Et d'extase. Absolument. Yoga préparatif, tu nous en parlais avant l'émission. Est-ce que c'est une pratique courante, le fait de faire du yoga pour se préparer À la maternité? Oui. Mais je pense que de plus en plus, il y a des articles, il y a des gens qui viennent dans l'objectif justement d'une remise en forme, mais aussi plus spécifiquement à faire en sorte que de se disposer aussi physiologiquement pour accueillir son nouvel enfant, puisqu'on sait que le yoga va faire en sorte que, exemple, les organes internes vont devenir beaucoup plus souples, etc., ce qui va permettre à l'utérus peut-être de grandir avec moins de contraintes. De contraintes, là, etc., ouais. Puis et aussi par rapport à la respiration, qui on sait qu'en fin de grossesse, c'est beaucoup plus difficile de respirer profondément. Donc, si après ma barre, on se pratique à bien respirer, mais ça va faciliter justement tout ce développement-là. Puis aussi, la physiologie le dit, peut-être que ça ne passe pas par du yoga, mais c'est un sport qui est réputé pour aider à la relaxation, donc ça peut être un bel exemple. On sait que le stress a un effet prouvé sur, en fait, sur le induit l'infertilité ou périodique ou tout à fait. Donc c'est une façon de rassembler cette énergie pour être exactement les bienfaits à plusieurs niveaux. Alors voilà, c'était tout avec Mélanie Chevary. Alors nous avons une petite chronique. Alors on vous dit rapidement à la semaine prochaine. La semaine prochaine, une émission La Place des Pères. Merci beaucoup. Chronique internationale. Alors voilà, cette semaine, je suis tombée sur des bonnes nouvelles. Je me suis demandé si c'était si des bonnes nouvelles que ça. Tu me diras ce que t'en penses, Mélina. Au Sierra Leone, actuellement, on a une grande amélioration des taux de mortalité infantile. Il y a seulement un enfant sur cinq qui se rendra pas à l'âge de 5 ans. Alors, wow. Donc, en 2000, c'était 282 sur 1000 qui mouraient et en 2007, 262. En fait, il y a plusieurs raisons qui expliquent les améliorations de ces taux-là. Et le Sierra Leone, malheureusement, est aussi le pays où le plus de mortalité maternelle. Donc, 21 femmes sur 1000 qui meurent. Je crois que tu pourrais me confirmer, Mina, qu'ici... C'est une sur 1000. C'est proche de zéro, en fait, oui. Même... voilà, il y a rien. En fait, les infrastructures médicales ont vraiment été affectées au Sierra Leone avec la grande guerre civile qui a ravagé complètement le pays. Et encore actuellement, les soins professionnels sont pas accessibles pour la majorité des femmes. 80% des femmes qui accouchent qui ont jamais vu ni un médecin ni une sage-femme. Et la majorité vont accoucher avec des traditional birth attendants qui sont extraordinaires dans leur communauté pour apporter un soutien aux femmes, mais qui souvent auront pas les connaissances nécessaire pour accompagner une femme qui aurait une grossesse plus compliquée ou qui aurait un accouchement difficile. Donc, même si les femmes auraient les moyens de consulter un professionnel de la santé, ça coûte environ 18 US pour un professionnel, ce qui peut nous sembler pas beaucoup, mais le salaire mensuel minimum, c'est 14 US par mois. Et il y a beaucoup de la majorité des Léonais qui font pas ce salaire minimum-là. Et avec les 8 obstétriciens qu'il y a dans tout le pays, de toute façon, c'est pas quelque chose qui est très, très vu. L'UNICEF espère continuer de voir du changement et c'est eux qui ont mis plusieurs programmes pour changer les choses. On mise sur des changements, des aspects culturels comme les mariages précoces ou les mutilations génitales, mais aussi sur une meilleure nutrition pour les mères et aussi sur l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. Il y a beaucoup de formations qui ont été faites là-dessus auprès des femmes pour encourager les femmes à allaiter. Donc... pour changer un peu de sujet sur ce fil de nouvelles pas très joyeuses, mais qui a quand même de l'espoir, il y a un groupe d'experts qui demande de ne pas envoyer de bouteilles ou de préparations à la bande de Gaza, comme à toutes les autres zones sinistrées. Le Infant and Young Child Feeding and Emergency Group, c'est un groupe d'experts en nutrition formé d'experts de l'OMS, du Fonds pour les enfants des Nations Unies, puis diverses organisations non gouvernementales, a demandé aux journalistes de pas faire la promotion de ce type de don, soulignant que non seulement ça correspond pas du tout aux besoins des régions sinistrées, mais que leur utilisation sans discernement dans les situations d'urgence, c'est extrêmement dangereux pour les bébés. Ça cause des maladies et parfois même la mort. On souligne que le meilleur aliment pour le nourrisson, ça reste le lait de la mère ou d'une femme. Et c'est aussi, il faut souligner, parce que ben l'accès à l'eau potable pour refaire les préparations, c'est pas toujours évident. Les soins d'amour qu'un nourrisson peut avoir besoin pendant une période de stress, et aussi le bienfait que ça peut faire à la mère, ben c'est aussi quelque chose de nécessaire. On s'est rendu compte aussi des bienfaits de l'allaitement dans une région de l'Inde. C'est une journaliste qui, je vais sûrement mal prononcer son nom, mais qui s'appelle Ejaz Kaiser, qui écrit dans le Hindustan Times, qui expose un taux de mortalité des bébés réduit de 35% dans l'est du Madhya Pradesh. C'est une région qui est encore beaucoup touchée par plein de défis sociaux. Il y a encore beaucoup de criminalité là-bas, de guerre. Et donc, ce 35%-là de réduction du taux de mortalité infantile, ça a été simplement rejoint par un programme de promotion de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois fait par l'UNICEF, le gouvernement, l'organisation CARE et le gouvernement local. Donc, voilà, c'était des petites nouvelles de quelque chose qui se passe dans le monde et aussi un petit peu de matière à vous faire réfléchir sur les bienfaits de l'allaitement. Alors, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.